on a des biens, des bonnes à rien. Des qui font rien, mais qui font bien. Des toutes parfaites, pires passées. Des prises de tête, des acharnées. Y'a celles qui fument et celles qui boivent. Y'a les dépanneuses et puis les épaves. Y'a les sportives, les intellos. Elles cumulent pas, ça ferait trop. C'est pas des cruches, c'est des nanas. La différence ne s'explique pas. Sans nos couilles, on serait moins cons. A dit la miss avec raison. J'ai un pote qui a tout compris, il dit faut pas chercher, c'est les filles. Y'a celles qui chialent devant Brad Pitt et celles qui se prennent pour Aphrodite. Celles qui font leur gym du matin, celles qui mettent du lait dans leur bain. Il y en a toujours qui se dépriment pour 400 grammes dans le régime. Ce sont les mêmes qui à 4 heures s'enfilent tout un paquet de Kinder. C'est pas des poufs, c'est des nanas. La différence ne s'explique pas. Sans nos couilles, on serait moins cons. A-t-il la miss avec raison. J'ai un pote qui a tout compris, il dit faut pas chercher, c'est les filles. Il y a celles qui jouent l'aimable, qui pètent au lit et rotent à table. Celles qui te demandent d'être toi et tes défauts, eh ben on verra. Celles qui cherchent pas la perfection, qui sait qu'aucun n'est exception. Celle-là, c'est celle qui a compris que tous les mecs sont des abrutis.